parlons de votre ami Monsieur Beaucaire. Quel personnage mystérieux. Bien plus encore que vous ne pouvez y croire, délicieuse Lucie. Monsieur Beaucaire n'est pas du tout le barbier favori des dames de la cour du bon roi d'Angleterre. Ce n'est pas non plus le tenancier d'un tripot où l'on joue un jeu d'enfer. Non, Lucie, derrière ce nom de Beaucaire se cache... Oh, dites, je vous en prie, je brûle d'impatience. Mais où avais-je l'esprit? J'allais dévoiler un secret qui ne m'appartient pas. Enfin, sachez que Monsieur Beaucaire est amoureux de la plus jolie femme d'Angleterre, Lady Mary Carlisle. Tenez, voici Beaucaire qui vient. Et je sais qu'il rêve de sauver Lady Mary des griffes de Winterset. Il a fait le serment que Winterset ne souillera pas un seul pétale de cette fleur merveilleuse. Écoutez-le. Au jardin où les fleurs sont écloses, n'existe pour moi qu'une rose entre toutes les roses, fière et sans émoi. Le désir au hasard cueille en gerbe les fleurs d'alentour. Mais ma rose adorable et superbe, celle attend l'amour. Ô rose merveilleux butin, ton charme est sans pareil. Matin, ouvrant ton cœur vermeil, tu m'as paru par un clair avril. Depuis, qu'importe épreuve ou péril, à force d'amour, peut-être. À servir, s'il faut, je suis prêt. Fleur de pourpre et d'orgueil, prends ma vie. À toi sans regret, prends mon sang, tout mon sang, goutte à goutte. Ô ma rouge fleur, je mourrai trop heureux s'il ajoute du rouge. Ô rose merveilleux butin, ton charme est sans pareil. Ô rose, dans le frais matin, ouvrant ton cœur vermeil. Force d'amour, peut-être un jour. Ô rose fleur d'amour. Pauvre Monsieur Beaucaire, comment va-t-il essayer d'approcher celle qu'il aime? Le plus simplement du monde. Dans un instant, Winterset va présenter à Lady Mary le duc de Châteaurien. Je ne comprends pas. Mais le duc de Châteaurien n'est autre que Beaucaire. Et Winterset est obligé de présenter notre ami le barbier au bal donné en l'honneur de Lady Mary. Je me suis laissé dire que Beaucaire avait surpris Winterset en train de tricher aux cartes. Exactement. Heureusement que Monsieur Beaucaire est plus discret que vous, ma chère Lucie. Merci. Pour me faire la cour, puisqu'il semble que vous me fassiez la cour, vous vous y prenez assez mal, mon cher Molineux. Lucie. une prisonnière, vous n'avez pas la manière. Ce n'est pas tout d'être tendre, il faut nous le faire entendre. Je comprends ma foi très bien, quand cet art je ne vaut rien, et j'y manque assurément de souplesse et d'agrément. Dites-moi que je suis belle, comme Vénus aussi belle, en plus jeune et plus charmante, nous aimons que l'on nous montre. S'il vous faut des compliments, ce n'est pas là ma façon. Choisissez quelque autre amant, plus docile à la leçon. Séduisant, suffisant, complaisant. Oui, bien sûr, seulement, il se peut que monsieur plaise un peu. Un peu? Oh, un peu! Ah, par pitié, c'est trop pour mon cœur. Votre cœur faible vainqueur, que tout grise et tout brise en force, peut gagner un peu. Un peu pour un peu, et de même, il se peut, j'en fais l'aveu, vous aimant un peu, que peut-être un jour se peut. Ce peu d'amour, il se peut que ce peu-là grandisse un peu. Qu'on me trouve un peu jolie, vous vous mettez en folie. Je vous préviens que le drame n'entre pas dans mon programme. Vous feriez la bouche en fleurs à n'importe quel hableur. Douce manège à mon gré n'a déjà que trop duré. Votre éloquence, mes chers, un prédicateur en chair, contre notre pauvre vengeance, n'aurait pas plus d'exigence. Oui, sans doute, malgré moi, je fais voir trop de rancœur, mais que j'aurai moins d'émoi, ayant moins d'amour au cœur. Enfin, si c'est ainsi, grand merci. Oui, bien sûr, seulement, il se peut que monsieur plaise un peu. Un peu? Oh, un peu! Ah, par pitié, c'est trop pour mon cœur. Votre cœur faible vainqueur, que tout grise et tout brise en force, peut gagner un peu. Un peu, pour un peu, et de même il se peut, j'en fais l'aveu, vous aimant un peu, que peut-être un jour ce peu d'amour, il se peut, que ce peu-là grandisse un peu. Mais je souffre en attendant, je souffre. Ça ne me déplaît point, mais ne montre pas trop. Ah, voici notre Lady Mary entourée de toute sa cour de soupirants. Entre les deux, je ne le sais pas davantage. Et ma parole, c'est Winterset qui s'avance, précédant Beaucaire. Il ne paraît pas de bonne humeur, monsieur de Winterset. Beaucaire a vraiment grande allure. On dirait un vrai gentilhomme. Il va peut-être faire impression sur Lady Mary. Nous allons le savoir, petite curieuse. Ma phrase à moitié. J'ai promis, puisqu'il le réclame, de vous le présenter, madame. Son nom. Son nom, milord. Eh bien, monsieur le duc de Chateaurien. Ailleurs charmantes règnent les femmes et les fleurs, adorables amantes, aux corps zèles, aux fonds hautains, leur sourire est mutin, toutes ont le teint de la rose en fleurs du matin. Nos deux peuples sont amis, fraternellement unis, car ils savent de même cœur adorer la reine au regard vainqueur et servir de même cœur. Anglaise ou française, au regard vainqueur. Nos deux peuples sont amis, la reine et le monde unis, car ils savent le même cœur, adorer la reine ou la vainqueur, et servir par la même cœur. Anglaise ou française, au regard vainqueur. Monde s'est retiré et Beaucaire va rester seul avec Lady Mary. Je parie qu'il va lui faire une déclaration. Petite curieuse, allons, venez, laissons-les seuls, car Beaucaire vient de demander à Lady Mary la rose qu'elle porte à son corsage. Vous demandez une rose, mais les tâches qu'elle impose, saurez-vous les accomplir bravement et sans faiblir? Qu'à l'instant la fleur soit mienne, dès ce soir que je l'obtienne, et sans plus rien m'accorder, vous n'avez qu'à commander. Greffez-moi trop vain. Non pour moi, mot divin. Serment d'amour vole, vole, fidèle à dire-t-elle. Cette rose que voilà pour l'avoir méritée-là. Serment d'amour vole, vole, fidèle à dire-t-elle. Mais qu'importe l'amour qui manque et dans l'âme frivole. Vole, vole, vole, vole, vole, vole.